La cérémonie consacrée à la journée mondiale des soins de premier secours a eu lieu le 12 au palais des enfants de Mangyongdae. Y ont participé les officiels de la Société coréenne de la Croix-Rouge, les jeunes élèves de la ville de Pyongyang, la délégation de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en séjour dans notre pays, ainsi que les membres des ambassades de divers pays en Corée. À la cérémonie, il y a eu le concours des jeunes élèves concernant les soins du premier secours, comme pour la réanimation cardio-pulmonaire, l'interruption de l'hémorragie, le bandage, l'évacuation des blessés, etc. Après, il y a eu une représentation artistique des jeunes élèves.